Parole de comptoir sur Fadjet, Lise Timon. Bienvenue dans Parole de comptoir. Dans cette émission, nous discutons autour de sujets sociétaux à travers des questions philosophiques, sociologiques et juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler des politiques pénales, leur impact sur la société. Donc, les politiques pénales, ce n'est pas que punir, c'est des choix de l'État pour prévenir des infractions, protéger la société, accompagner les auteurs d'infractions, et ça se manifeste à travers le fonctionnement des institutions judiciaires principalement. Pour en discuter, nous accueillons Matteo Serimel et Madeleine Merduposé, tous les deux avocats en droit pénal. Je vous laisse vous présenter, Matteo, tu peux, ou Madeleine, tu préfères commencer. Les femmes d'abord. Je peux commencer. Madeleine Merduposé, donc je suis avocate au barreau de Nancy et j'exerce principalement en droit pénal et en droit de la famille. D'accord. Matteo ? Eh bien, exactement pareil que ma consoeur Maître Duposé, donc avocat au barreau de Nancy. Moi, de mon côté, je suis moins de droit de la famille et principalement le droit pénal. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que c'était une vocation pour vous, le droit pénal ? Alors, oui, moi, je dirais que c'était le droit pénal. Alors, j'avais pas pour, au départ, pour objectif d'être avocate, mais je voulais être officier de police judiciaire. D'accord. Donc, toujours dans le droit pénal. Toujours dans le milieu, oui. Voilà. D'accord. Matteo ? Oui, totalement. Totalement, c'était... Dès la faculté, c'était ça ou rien. D'accord. C'est le seul but. Et maintenant, la dernière question avant de passer au sujet. Pourquoi cette filière ? Pourquoi le droit pénal ? Madeleine, pourquoi tu as choisi ? Qu'est-ce qui t'anime ? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors, moi, je pense que principalement, c'est parce qu'à la fois, ça allie le droit qui est passionnant, mais aussi parce que c'est un sujet qui s'intéresse à l'humain. Et c'est principalement pour cette raison que le droit pénal m'est apparu comme une évidence. D'accord. Et toi, Matteo ? J'adhère totalement aux propos de Madeleine Merduposé. Et moi, en plus, moi, j'ai un petit côté... j'aime pas l'injustice, oui. J'aime bien le David contre le Goliath, et surtout, je trouve des fois un peu hypocrite et inégale la manière dont on tape un peu toujours sur les mêmes... populations qui sont souvent démunies socialement, okay. Économiquement et autres. Et donc, voilà, Tu voulais vraiment défendre certaines personnes qui subissent, selon toi, des injustices, quoi. Bah, surtout que justice soit rendue. Aider à ce que justice soit rendue. Ok. Mais vraiment dans le volet droit pénal, parce que des injustices, tu peux aussi en subir dans le milieu civil aussi. C'est vrai. Mais d'un point de vue personnel, je suis beaucoup plus excité par des phénomènes sociétaux. Qui relève du droit pénal, tout ce qui est infraction, enfin. Et c'est vrai que ça paraît plus excitant que des conflits entre salariés et employeurs ou entre voisins. Et toi aussi, Madeleine, j'imagine. Ok. Donc, on va attaquer le sujet, donc, qui sont les politiques pénales. Donc, à travers une question un peu plus théorique, donc, que j'appelle la question philosophique, qu'est-ce que les politiques pénales et à quoi ça sert ? Donc, souvent, on pense que les politiques pénales, ça sert à punir. Mais il y a aussi un peu de la prévention, de la dissuasion, de la protection, de la réinsertion. Est-ce que vous pouvez me dire déjà à quoi ça sert, d'un point de vue plus théorique ? Avant tout, je pense que c'est important de rappeler un peu comment ça fonctionne. Oui. Déjà, c'est dans notre droit, on va dire, le gouvernement il détermine la politique de la nation, conformément à la Constitution. Et l'article 30 du Code de procédure pénale, lui, spécifie que c'est le ministre de la Justice qui conduit cette politique pénale qui est déterminée par le gouvernement. D'accord. Et sur les finalités, on va dire, de cette politique pénale, effectivement, il y a la question répressive. De celle-ci découle nécessairement la question de la prévention, ouais. Dissuader de commettre des infractions. Et puis, il y a effectivement... peut-être une fonction, une finalité souvent délaissée, mais c'est la question de la réinsertion. Ouais. La politique pénale, effectivement, doit punir, doit dissuader, mais elle doit aussi, et avant tout, réinsérer. Réinsérer. Et avant tout, réinsérer. Je pense. Ouais. Et comment ça se... Donc tu disais que c'était le ministère, enfin le ministre de la Justice qui conduisait ces politiques choisies par le gouvernement. Voilà. Comment ça se manifeste concrètement dans la vie pratique politique en fait? Le gouvernement, comment il va déterminer les politiques pénales, les enjeux, tout ce qui sur quoi axer telle ou telle telle politique par exemple? Eh bien encore une fois, c'est par rapport à l'article 30, c'est par rapport à l'organisation du ministère de la Justice et de nos institutions judiciaires, puisqu'en fait, chez ce qu'on appelle les magistrats, il y a les juges, ceux qui sont là pour trancher, et il y a les procureurs qui, eux, exercent l'action publique et, justement, mettent à exécution la politique pénale. Ce sont aussi des magistrats, des juges. Ce sont aussi des magistrats. Bah, est-ce que c'est possible d'expliquer la nuance ? Juge, oui et non, parce que justement, un juge, lui, ne dépend de personne. Ouais. Il est là pour arbitrer les débats, et il est là pour trancher. Oui. Le procureur va être là, lui, pour mener les enquêtes et pour requérir l'application de la loi au nom du peuple. Mm. Et donc, en matière pénale, généralement, c'est l'accusateur qui va demander une peine. Ouais. Et celui-ci, en exécution d'une politique pénale, qui, en fait, c'est une cascade. Ouais. Le parquet est dépendant du ministère de la Justice. Ouais. Là où ce n'est pas le cas des juges du siège. D'accord. Donc, en fait, tout en haut de l'échelle, on a le ministre de la Justice, actuellement Gérald Darmanin. En dessous, on a les procureurs généraux qui sont les chefs du parquet des procureurs au niveau des cours d'appel. D'accord. Et en dessous d'eux, puisque de chaque cour d'appel dépend des tribunaux judiciaires, donc, par exemple, le tribunal judiciaire de Nancy qui dépend de la cour d'appel de Nancy, on a des procureurs de la République. D'accord. Et donc, en fait, on a cette cascade où tout en haut, on a le ministre de la Justice, qui édicte une circulaire de politique pénale, on l'a d'ailleurs amené à celle de 2025, d'accord, qu'il va faire diffuser aux procureurs généraux, qui vont faire diffuser aux procureurs de la République, pour dire, d'accord, voilà ce que, en gros, le ministre de la Justice veut mettre en place, vers où, voilà, mettre en place ou orienter les actions. Orienter les actions, et il va privilégier certaines actions. Vas-y. Et là, je voudrais rebondir, effectivement, Le ministre de la Justice donc édite cette politique pénale générale, enfin cette circulaire. Les procureurs généraux doivent appliquer cette politique pénale. Générale. Mais effectivement, il y a aussi des particularités dans certains territoires qui font que effectivement les procureurs généraux, ils sont là pour appliquer, mais ils sont aussi là pour adapter en fonction des particularités, de spécificités dans le ressort territorial. Et alors, comment ça se manifeste? Donc, il y a la politique générale, mais par exemple, le procureur, dans son territoire, il y a peut-être plus de délinquance qui porte sur une infraction en particulier. Est-ce que lui, il doit appliquer autant les politiques générales et autant sa politique concernant telle ou telle infraction spécifique à son territoire? Est-ce qu'il a le temps de le faire, les moyens? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça rentre parfois en confrontation ou pas? Non. Non. Je pense pas, après. On a le général et on peut ajouter sur du spécial, sur de la particularité. Mais à mon sens... Même s'il y a un article qui prévoit que la plume est serve, mais la parole est libre, mais généralement les procureurs sont tenus de ce que leur hiérarchie, parce qu'il y a une réelle hiérarchie, leur impose, entre guillemets. Oui. Et donc comment cette politique générale, par exemple celle de 2025, est mise en place concrètement? Qui va rédiger la circulaire? Qui va vraiment émettre des propositions? Donc oui, d'un point de vue statutaire, c'est le ministre de la Justice, mais derrière, il y a forcément des personnes qui proposent. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Alors, moi, je ne sais pas concrètement comment ça se passe, mais bon... Comment c'est défini, du moins? Après, effectivement, il y a quelque chose de politique. Donc, le ministre de la Justice, il dépend quand même du Premier ministre. Oui. Donc, il y a quand même un gouvernement qui détermine la politique de la nation. Donc, il y a des choix qui sont faits, des choix politiques. Et qui sont retranscrits dans les circulaires de politique... de politique pénale générale. Là, par exemple, comme mon confrère l'a indiqué, on a amené la circulaire de janvier 2025. On voit très clairement, on va dire, les objectifs qui sont mis en avant dans cette circulaire. Principalement la question, effectivement, du narcotrafic, mais aussi d'autres objectifs en en termes procédural, on va dire. D'accord. Quelles sont les procédures à privilégier. Voilà. Par exemple, on peut prendre des données très concrètes sur la circulaire de politique pénale 2025, où là, le ministre de la Justice, en gros, indique à ses subordonnés, les procureurs généraux, les procureurs de la République, il leur demande que lorsqu'il y a une exploitation de mineurs pour les réseaux de trafic de stupéfiants, et lui demande l'application d'une qualification pénale, d'une infraction pénale spéciale relative au traitement des êtres humains. Ouais. Donc là, il donne l'indication à ses subordonnés de dire « Dans cette situation, moi, j'aimerais que vous utilisiez cette qualification pénale. » Pareil, de la même manière, sur ce qu'il appelle les circuits courts, donc quand on prend un petit trafic comme ça, il demande au parquet qui, lui, en fait, choisit l'orientation de la procédure. Ouais. C'est-à-dire, il peut choisir de vous convoquer dans 6 mois. Il peut demander à ce que vous soyez en comparution immédiate, c'est-à-dire être jugé dès la sortie de la garde à vue. Et justement, par exemple, pour les petits trafics comme ça, le ministre de la Justice, c'est lui qui signe la circulaire, il demande clairement l'application de la procédure de comparution immédiate, et il rajoute en dessous, il donne même des directives sur la peine à requérir, la peine que le procureur en audience doit requérir, et il le dit... s'agissant des personnes de nationalité étrangère, dès que ces peines seront encourues, je vous demande de veiller, je vous demande en première personne, de veiller dans la stricte application de la loi à requérir des interdictions temporaires ou définitives du territoire national. Donc le ministre de la Justice, dans cette circulaire générale, indique au procureur de la République quelles infractions je veux que vous retenez, dans quelle procédure et quelles peines vous pouvez aussi demander. Ah oui, donc c'est... Ça vraiment... Tout est dirigé, donc finalement le procureur... il est donc subordonné à toutes ces prescriptions, mais est-ce qu'il a quand même encore un peu une faculté d'appréciation en fonction des faits? Tout à fait. Oui, il est quand même très orienté ou pas? Effectivement. Après, il y a une question de hiérarchie, donc nécessairement, c'est pour ça que ça sera peut-être évoqué au cours de cette émission, mais ça a fait l'objet d'un certain nombre de décisions du Conseil constitutionnel, de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais donc, il y a quand même une question de hiérarchie entre le ministre de la Justice et les procureurs. Pour autant, la parole est libre. La parole du procureur est libre. Donc, à l'audience, il n'est pas obligé de requérir, par exemple, une interdiction définitive du territoire français. Voilà. Mais c'est des indications qui sont données. Donc, forcément... cette circulaire de politique pénale générale, elle arrive sur le bureau du procureur. Oui, donc d'un point de vue hiérarchique, s'il ne la suit pas, s'il ne recommande pas par exemple telle peine, il risque quand même d'avoir un peu les foudres de ses supérieurs ou pas? Ou alors ses supérieurs, parce qu'il y a les substituts du procureur, si je ne me trompe pas, qui eux dépendent donc du procureur. De la République. Et le procureur de la République, lui, dépend des procureurs généraux. Mais le substitut, il va faire son enquête, etc. Après, il va proposer la qualification d'infraction, la peine, etc. Est-ce que, dans ce cas-là, il va faire comment par rapport au procureur de la République qui, lui, par exemple, veut appliquer la telle circulaire si le substitut n'est pas en accord avec ça? Comment il n'a pas le choix que de suivre quand même le dernier mot du procureur de la République? La loi prévoit, comme l'a indiqué Maître Maire Dupauzé, que si ce qu'on appelle la plume est serve, la parole est libre. Ouais. Donc en soi, ils ont le droit de ne pas l'appliquer correctement. Maintenant, mais est-ce qu'ils le font en pratique? Maintenant, c'est comme au boulot. Votre boss vous dit, vous avez le droit de faire ça. C'est pas ce que je veux, mais vous avez le droit de le faire. Si vous le faites, est-ce que vous pensez que vous aurez une promotion à la fin de l'année? Alors après, ça dépend des pratiques, ça dépend des personnes. Oui, là, c'est humain, il n'y a pas de règle écrite. Oui, ça dépend. Mais voilà, un procureur qui dit, un substitut ou autre qui dit, moi, de toute manière, vous pourrez sortir n'importe quelle circulaire, je fais ce que je veux, il ne serait pas dans l'illégalité. Ok. Maintenant, c'est derrière qu'en interne, en effet, ils sur le les suivent personnes, il y aurait peut-être des choses. Ça, d'accord. Après, c'est difficile de dire, on ne peut pas savoir. D'accord. Je voulais rebondir sur la jurisprudence dont tu parlais, Madeleine. Est-ce que, la France a été condamnée par la CEDH, par exemple, parce que les procureurs n'étaient pas assez libres dans leur appréciation. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une indépendance des magistrats. Donc, du procureur également. Donc, comme les procureurs sont des magistrats, il doit y avoir une indépendance de ces magistrats et que ces magistrats-là sont, on va dire, enfin leur boss, c'est le ministre de la Justice. Donc effectivement, ça pose question. La France a été condamnée dans un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour autant, on a quand même eu une décision du Conseil constitutionnel, notamment en 2017, qui quand même rappelle l'indépendance du parquet. Dans les années 2017-2018, d'ailleurs, c'était un projet de notre président de la République, d'avoir justement une réforme constitutionnelle pour justement changer le mode de nomination des procureurs. C'est-à-dire ? Pour éviter, parce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Et qui nomme les procureurs. Ouais. Et donc, en tout cas, il y avait une volonté de réforme constitutionnelle à ce niveau-là. Pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Ils auraient été nommés par... Enfin, quel était le but de cette réforme ? Bah, pour que ce soit quelqu'un d'indépendant. D'accord. Ils sont nommés par le Conseil. Par le ministre de la Justice. D'accord. Justement, c'était l'inverse, c'était qu'ils soient nommés par le Conseil supérieur de la, ouais, la magistrature. D'accord. Voilà, pour justement qu'ils soient indépendants. Oui, ça aurait été en fait, une belle réforme. Ça joint un problème, une contradiction dans notre droit. Oui. Puisque l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit le principe de séparation des pouvoirs. Oui. Il y a trois pouvoirs. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Oui. Et normalement, l'un ne doit pas influer sur l'autre. L'autre. Sauf que là, on se rend compte que quoi ? Que le ministre de la Justice, qui dépend du pouvoir exécutif, oui, a une influence directe sur la justice. Oui. Donc au final, si on pousse le bouchon un peu loin, un peu philosophiquement, oui, c'est le but. Ces dispositions sont anticonstitutionnelles. Oui. Oui, et sont contre les droits fondamentaux, ceux qui sont tout en haut de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Mm-hmm. C'est-à-dire que tout en haut, il y a les droits fondamentaux, la Constitution, oui, les droits de l'homme, autres. En dessous, il y a les lois, en dessous, oui, il y a les décrets et autres. Du moins, il y a un empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Voilà. Et le problème, c'est que ça pose des questions sur plein de choses, puisque les procureurs, parfois, ont le pouvoir pour exécuter des peines. Oui. Avant, avaient le pouvoir de garder quelqu'un en garde à vue pendant je ne sais combien de temps. Et c'est là où la Cour européenne des droits de l'homme est venue dire « Mais attendez, parce que votre procureur de la République, c'est pas une autorité judiciaire, oui, totalement indépendante et impartiale, puisqu'elle dépend, mmh, du pouvoir politique. » Et c'est là-dessus qu'on s'est fait taper les doigts. Et est-ce qu'il y avait, il n'était pas question... Enfin, je sais que dans d'autres pays, par exemple, les procureurs ne sont pas rattachés à des magistrats, je crois. Hein. Je ne sais plus dans quel pays, mais dans d'autres pays... Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'avais vu ça. Et il n'était pas question à un moment de déplacer les procureurs auprès du ministère de l'Intérieur, plutôt. Il n'y avait pas une question de ça, pour justement clarifier un peu la situation, pour qu'ils relèvent du pouvoir exécutif. Non. J'avais entendu dire une proposition, enfin, dans un débat, peut-être. Je n'ai pas eu vent de ça. Non. Moi, je trouve surtout que la solution, ça c'est un langage, oui, que moi, c'est une indépendance totale du parquet. D'accord. Qui ne dépend de personne, qui n'ait pas de hiérarchie par rapport au pouvoir politique. Ça se manifesterait comment, alors ? Bah, que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature, voilà, qui soit en haut de la hiérarchie des, d'accord, procureurs, je pense. Après, pour faire un peu l'avocat du diable. Oui, c'est le but. On a quand même l'article 20 de la Constitution, hein, qui précise que le gouvernement, il détermine la politique de la nation. Dans la politique de la nation, il y a la politique pénale. Oui. Et donc, ensuite, il faut quand même nécessairement qu'il y ait une politique pénale générale et qu'elle soit appliquée par le goût. Qu'elle soit appliquée par les procureurs. Par les procureurs. Donc, oui, par le parquet. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le Conseil constitutionnel, lui, en 2017, il a dit que les dispositions contestées assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance, mmh, de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le gouvernement tient de l'article, oui, 20 de la Constitution. Oui. Finalement, c'est un peu ce qui est clairement dit, un équilibre, voilà, une conciliation, c'est ça, pour c'est permettre, vrai, la mise en œuvre, exactement, de cette politique pénale. Exactement. Après, pour ça aussi, il faut qu'il y ait des bons acteurs qui, oui, respectent leur rôle, leur place et l'intérêt de leur profession. Voilà. Oui, qui se laissent pas forcément, qui ne rentrent pas forcément dans un moule juste à exécuter toutes les circulaires si les faits ne le justifient pas. Et aussi que tout en haut, on n'est pas, par exemple, le tweet critique trop facile, par exemple. Ouais, oui. Et petite question, est-ce que vous, Donc moi, je me suis toujours posé cette question. Est-ce que les procureurs généraux, du moins, participent quand même à l'élaboration de la politique générale de 2025, par exemple, à la mise en œuvre de la circulaire? Est-ce qu'on les interroge? Est-ce que le ministère de l'Injustice les interroge pour savoir quels sont les enjeux, comment ça se passe en pratique, pour pas que ce soit un peu déconnecté du terrain? Ouais, effectivement. Après, je pense qu'il y a deux sujets. Déjà, il y a les instructions générales qui sont adressées aux magistrats du ministère public, donc du parquet, oui. Les procureurs. Ces instructions générales qui sont données, elles sont suivies par le ministre de la Justice. Il vérifie un peu leur application, qu'est-ce que ça donne en pratique, en fait. Ça, c'est le premier point. Et puis, effectivement, les procureurs généraux rendent des rapports auprès du ministre de la Justice. Oui. Et ces rapports, ce regard qu'ils peuvent avoir sur l'application des politiques pénales, ça permet nécessairement de faire évoluer, de prendre conscience des enjeux, et puis voilà, et donc nécessairement de faire évoluer cette politique pénale. On prend pas en compte la parole des avocats. Non, ça serait un peu. Non, de toute manière, non, faut le lire. Je pense pas ou je pense trop peu. Alors, dans la dernière circulaire, quand même, le ministre de la Justice parle d'une conciliation et d'un travail avec les bâtonniers, donc les représentants de chaque barreau, donc ce qui est souhaitable, en effet. Maintenant, bon, sans partir dans des débats outre politiques ou autres, oui. On voit la place quand même de l'avocat qui commence à avoir, on voit le secret professionnel commencer à être gratté, on voit qu'on, des fois, on est aussi placé presque comme des complices, comme des... Voilà, il y a quand même une certaine réticence par rapport à ça, par rapport à nous, notre profession. À l'introduction des avocats les politiques pénales. Est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée de vous intégrer un peu plus dans l'élaboration? Par exemple, pas forcément les avocats, tous les avocats, mais les bâtonniers ou... Oui, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, on a eu quand même un ministre de la Justice avocat. Oui. C'est vrai. On a quand même eu une augmentation du budget, ça c'est oui. bien. C'est vrai. Mais oui, pour l'élaboration des politiques pénales, je pense que ce serait... En fait, il faut que tous les acteurs de la justice soient entendus. Ils ont tous leur mot à dire, ils ont tous... Voilà, un vécu, une manière de voir les choses et de voir un peu comment ça s'applique concrètement. Oui. On est un peu chacun dans notre coin. Oui. C'est un peu malheureusement ça le problème. Mais oui, je pense que nécessairement, il faudrait que les avocats soient entendus sur plein de sujets. Oui, parce que vous, finalement, c'est vous qui pratiquez un petit peu ces différentes politiques pénales au quotidien dans vos dossiers, auprès des magistrats. Comment ça se manifeste d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une influence de votre vision de la politique pénale? Est-ce que ça influence le traitement de vos dossiers? Ou de la proposition, de la solution que vous proposez au magistrat du siège, une fois qu'il doit trancher? Alors, le traitement des dossiers à proprement parler, non. Oui. Oui, parce que nous, voilà, on a un dossier, on a une personne, on va à chaque fois adapter par rapport aux faits ou aux personnes. Mais par contre, de parler de politique pénale, on a des augmentations de budget, on a justement des orientations où on demande aux procureurs travailler plus là-dessus. Oui. Et c'est vrai que malgré la jeune expérience et à notre échelle, on a énormément, et c'est très bien, beaucoup plus d'affaires de violences intrafamiliales, de trafic de stupes. Oui. Il y a une augmentation de ces affaires et ça se voit d'ailleurs dans les chiffres qu'on a pu venir piocher. C'est exponentiel. En fait, donc cette circulaire fixe différents objectifs, c'est ça? Par exemple, plus réprimer les agressions sexuelles, etc. Et donc vous le voyez dans les dossiers que vous recevez, c'est bien ça? Pour continuer, tout le monde le voit. Oui. Là, on a j'ai un chiffre sous les yeux. Sur les violences intrafamiliales, en 2017, il y a eu 22 202 condamnations. Ok. En 2023, on est à 52 302. Ah oui. Ça a plus que doublé. Ouais, ça a plus que doublé. Donc, c'est parce sûr. Parce qu'on a mis l'accent là-dessus. Qu'on a mis l'accent là-dessus. D'accord. Parce que ça y est, grâce à des problèmes, à des phénomènes sociétaux, MeToo et autres, il y a eu une libération de la parole. On a commencé à pointer les dysfonctionnements. Ouais. On a augmenté par la politique pénale le nombre de magistrats, le nombre de greffiers, d'attachés de justice et autres par rapport à ça. Et donc, aidé à lutter contre ce type d'infraction. Absolument. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou pas? Un peu chiffré Bah alors là, c'est les violences intrafamiliales. Ouais, moi, j'avais les chiffres des violences conjugales. Oui. Mais mmh. c'est en fait sensiblement les mêmes. C'est-à-dire que ça a doublé entre 2017 et 2021. Voilà. Bon, en fait, j'ai envie de dire, il suffit un peu d'aller en comparution immédiate. Ouais. Moi, les gens qui connaissent pas la justice, je les invite en fait à aller... un après-midi, se rendre au tribunal pour assister aux comparutions immédiates. En fait, on voit toujours les mêmes infractions. D'accord. C'est traité souvent de la même façon. Enfin, bah, ça se passe comment, une comparution immédiate ? Bah, une comparution immédiate, donc c'est une procédure rapide, mm-hmm. d'urgence. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont mises en cause au stade d'une garde à vue vont être déférées immédiatement à l'issue de leur garde à vue. Devant le juge. Devant le tribunal correctionnel. Mais il faut ça, faut qu'il l'accepte, on est bien d'accord. Ah non. Ah non, ça se fait. Ah il n'a pas le choix. Ah non, non, non. Okay, il a pas comparution le choix. Immédiate directement. Ça, je croyais qu'il avait ouais, le choix. Non, non, ça, il n'a okay. pas le choix. Donc, il comparaît devant le tribunal qui statue sous la forme de cette comparution immédiate. D'accord. Et donc, dans l'après-midi, on va dire, il a une décision. D'accord. De justice. Il est, qui choisit que ça se passe en comparution immédiate ? Le procureur de la République. D'accord. Justement, et par la circulaire qu'on a rappelée tout à l'heure, oui. le ministre disait, par exemple pour les petits trafics de stup, oui. je veux de la comparution immédiate. D'accord, pour traiter plus rapidement les... Pour traiter rapidement. Parce que les objectifs de cette... D'ailleurs, c'est la première page hein, de cette circulaire. Les objectifs, c'est une politique pénale ferme, empreinte de lisibilité et de célérité. Voilà. Et donc, vous en pensez quoi, en tant qu'avocat ? Alors, la lisibilité, je pense que c'est bien. Oui. C'est un des objectifs. Éric Dupond-Moretti, quand il est arrivé ministre de la Justice, ça a été un de ses enjeux, on va dire. C'est de restaurer une confiance des citoyens en la justice. Sur les manières dont il l'a fait, ça peut être discuté. Mais il y a nécessairement un enjeu à ce niveau-là, c'est qu'il faut, qu'on restaure cette confiance. Et cette confiance, elle ne peut intervenir que s'il y a une compréhension. Oui. Voilà. Donc, sur la lisibilité, je pense que c'est important. À ce niveau-là, et notamment sur cette question de confiance. Après, sur la célérité, je pense que ça pose quand même plein de difficultés, parce qu'on le voit, quand on va dans l'urgence, le travail n'est pas forcément oui. bien fait, donc les enquêtes sont souvent de mauvaise qualité, on n'a pas toutes les... Vous n'avez pas tous les éléments. Toutes les investigations n'ont pas été faites. Et même le... Comment on dit ? Pas l'accusé, mais le... Le prévenu. Le prévenu, lui-même ne peut pas forcément... Enfin, il est un peu encore et sous après, le choc. Il ressort de garde à vue. Il sort de garde à vue. Il est un peu... Il peut vite accepter la sentence alors que... Il l'accepte pas. Ah oui, non. Non, pas accepter la sentence, mais il va pas forcément assurer sa défense. Il va juste laisser tomber et lâcher un peu, non ? Mais en fait, c'est pour grossir le truc, la comparution ouais. immédiate, on va pas aller sur les régimes dérogatoires ou je sais pas quoi, ouais. c'est on vous chope. Oui, voilà. On vous met 48 heures en garde à vue. Ouais. Vous ressortez le matin, vous voyez un procureur à 10h du matin qui dit à 14h, on se retrouve devant le tribunal. Il se retrouve à 14h devant le tribunal. Si c'est un trafic de stup, c'est 10 ans. D'emprisonnement en cours, ouais. 10 ans. S'il en récidive, 20 ans. En moyenne en France, un dossier de comparution immédiate, c'est une demi-heure, une heure. Ah oui. Et en demi-heure, une heure, l'enjeu on statue... par rapport à la peine voilà. qui est en cours, entre guillemets. Exactement. Exactement. Okay. Alors que le mec, 48 heures avant, était libre et ne savait pas qu'il était. Ah, moi je pensais que c'était un peu plus proportionné que ça par rapport à la peine. Après, souvent, c'est des. Enfin, moi, la vision que j'en ai de la comparution immédiate, hein, de ma petite chaise, c'est vraiment jamais il y aura, par exemple, une peine de 10 ans prononcée, non ? Enfin, c'est quand même c'est grave. C'est la peine encourue. La peine encourue, oui. Donc le tribunal est libre s'il veut mettre. Mais c'est quand même grave. Bien sûr. Après, plus c'est grave, plus la peine est entre guillemets lourde, plus moins il y a de comparution immédiate. Enfin, on est bien d'accord avec ça. Non. Non. Non. À partir du moment où c'est un délit. Ouais. Parce qu'il y a les contraventions, on n'encourt pas de prison. Oui, il y a les délits jusqu'à 10 ans de prison, puis après il y a les crimes. Oui. Là, c'est cour d'assises, maintenant cour criminelle départementale. Voilà. À partir du moment où c'est un délit, sauf des petits détails, justement sur le fait que la peine soit trop faible. Ouais. Ah. C'est-à-dire Je crois que si on n'est pas en flagrance, si c'est moins de 3 ans, on peut pas aller en comparution immédiate. Si c'est en flagrance, c'est moins d'un an, on peut pas y aller. Ah oui? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est au-dessus, justement, on va en comparution immédiate. Mais ce qu'il faut savoir, le chiffre, c'est qu'un prévenu qui passe en comparution immédiate a 2 fois plus de chances de finir en détention que dans tout autre mode de jugement. Et pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas le temps de réunir, d'assurer sa défense et puis de réunir tous les éléments pour prouver qu'il a des garanties. Et là, ça porte un peu atteinte au droit de la défense. Alors voilà, je voulais juste préciser une chose pour qu'on ait, les choses bien... En entier. Les idées bien claires. C'est que, effectivement, comme mon confrère l'a rappelé, il passe devant, enfin le prévenu, si le procureur choisit cette voie de comparution immédiate, passe devant le tribunal correctionnel à l'issue de sa garde à vue. Cependant, la première question que lui pose le président du tribunal correctionnel, c'est est-ce qu'il veut un délai pour préparer sa défense ? Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, donc il a la possibilité effectivement de demander de reporter, un délai. Alors. Dès lors qu'il le demande, c'est de droit, ça lui sera obligatoirement accordé. Et c'est un délai de combien de temps ? C'est un délai... Un mois, à peu donc, près. Donc finalement, est-ce qu'on est encore dans le cadre de comparution immédiate ou pas ? On est toujours dans le cadre de comparution immédiate. Okay. Simplement, donc le tribunal correctionnel ne statuera pas sur les faits qui sont reprochés au prévenu. En revanche, il devra statuer sur qu'est-ce qu'on fait de ce prévenu jusqu'à la prochaine audience. D'accord. Est-ce qu'on place monsieur en détention provisoire ou est-ce qu'on le place sous contrôle judiciaire ? Encore une fois, se pose quand même les moyens de défense. Oui. C'est qu'il n'aura pas plus le temps de réunir les éléments pour démontrer que voilà, il a des garanties de représentation, qu'il n'y a pas de risque de réitération de l'infraction. Oui. Enfin voilà. Donc ça pose quand même problème et ça pose problème que cette voie de procédure soit énormément choisi en fait par les procureurs. Après, que la plupart du temps, ils préparent leur défense, mais en prison, quoi. Oui. Et en détention provisoire. En détention provisoire, donc ils peuvent pas. Et imaginons en plus que derrière, ils soient relaxés. Ouais. Donc c'est le terme quand ce sont des délits pour dire acquitté quand ce sont voilà. des crimes. Voilà. Voilà. Ils ont fait quand même un mois en détention, quoi. Oui. Après, ils peuvent demander réparation, mais ils le font pas souvent, j'imagine. J'ai déposé ma requête l'autre jour. Et pour finir sur la comparution immédiate et ensuite passer à la question sociologique, le procureur, tout de même, j'imagine que s'il considère qu'il faut passer par cette voie-là, c'est que l'infraction est assez caractérisée, non ? Oui. Il ne va pas aller sur cette voie en théorie, par simplicité. Effectivement, initialement, en fait, la comparution immédiate, elle a été instaurée pour les délits... qui sont facilement caractérisés, je sais pas, moi je vais prendre une... Quand on fait la main dans le sac, en flagrance, mais par exemple, je sais pas, une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, vous avez un test... Voilà, mais normalement, effectivement, initialement, cette procédure, elle avait été instaurée pour des délits dits flagrants. En réalité, on remarque que c'est davantage... Enfin, en fait, elle a été étendue à beaucoup de délits qui ne sont pas des délits flagrants. Ouais. Et donc, ça rejoint ce que je disais au départ en parlant de la comparution immédiate, c'est qu'on se retrouve avec des enquêtes qui sont de mauvaise qualité. Et voilà. Ou alors, des fois, des choses pas du tout adaptées. J'ai eu un trafic de stupéfiants en comparution immédiate. Ouais. Le dossier faisait 500 pages. Ah oui, donc là... Et on a le dossier le matin, pour 14h. Oui, donc t'as pas le temps de tout étudier, enfin là c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On demande le renvoi. Oui, ça t'as le droit de demander un renvoi. On demande le renvoi, comme l'a expliqué Maître Mère Duposé, c'est de droit. Voilà. Donc on statue sur qu'est-ce qu'on fait de la personne en attendant. Ouais. Bon, la personne elle est en détention provisoire. Voilà. Hein, ça, ah oui. Évident. Ouais. Ah oui, mais faudrait proportionner un peu plus peut-être l'envoi en comparution immédiate. Enfin là c'est... Statuer sur un dossier de 500 pages, c'est évident que vous allez demander ça et que l'affaire sera réétudiée dans un mois. Enfin... Oui. Oui. Oui. Oui, oui. Bon, après, le procureur, peut-être, ne sait pas sur quel avocat il va tomber, peut-être que... Oui. Non, mais c'est surtout que, et c'est pas une critique, hein, mais un procureur est nécessairement partial. Lui, c'est un accusateur. Oui. Il accuse, donc pour lui, c'est évident. On en revient. Lui, il a suivi l'enquête, pour lui, c'est fait. Bon, voilà, on y va. Ouais. Lui, le procureur, il a depuis plusieurs mois, parce que souvent, ces dossiers de 500 pages, ça oui, fait plusieurs c'est mois qu'il travaille là-dessus. Donc lui, en fait, il a, on va dire, il connaît le dossier. Oui, donc il sait... ce qui n'est pas le cas de l'avocat qui voilà. le découvre le matin de ouais. l'audience. C'est ça. Mais bon, si on voulait être un petit peu logique et vraiment, comment dire, intelligent à l'égard de, du traitement de ces dossiers, on les passerait pas en comparution immédiate, enfin, de ce que vous me dites, du moins. Après, on accepterait qu'on fixerait un délai de un calendrier de procédure. Enfin, pour dédiaboliser la chose et aussi être contre, enfin, objectif dans les paroles, après, la détention provisoire, elle, elle répond à certains critères. Oui. Et elle peut s'expliquer pour une protection de la sécurité publique, oui. Un risque de dépérissement de l'infraction, un risque de fuite, parce qu'évidemment, il y a des personnes, s'ils ont les moyens de partir, ils vont le faire. Ouais. Oui, donc, complètement. La comparution aussi. Immédiate et le renvoi permet, de ce qu'on appelle d'ailleurs un des critères de cet article 144, de garder la personne sous main de justice. Être ouais. sûr de l'avoir pour ouais. qu'il soit là le jour du jugement. Et des ouais. fois, en effet, il faut dire ce qui est, c'est justifié. Oui. Dans un souci aussi de sécurité publique, il faut le dire. La plupart du temps, c'est justifié, selon vous, en, de vos expériences, en tant qu'avocat ? À l'instar des procureurs, on est partiaux. D'accord. Nous, on défend. Donc, oui. Nous, ça l'est rarement. Enfin, bien évidemment, ça l'est oui, quand oui, même. Oui. Mais bon, il y a des fois d'accord. où je crée au scandale et pourtant, bah, c'est limpide pour les magistrats. Oui. Alors, j'en arrive un peu à la question sociologique, donc l'impact des politiques pénales. Comme, enfin, sur vraiment sur la société, sur sur enfin d'un point de vue sociologique, est-ce que c'est un outil de régulation sociale, sociétale? Est-ce que il y a des profils de, est-ce qu'il y a des profils de justiciables plus touchés par des politiques pénales, etc. Est-ce que selon vous, c'est vraiment un outil qui permet de réguler la société, de fixer les normes, un peu de vivre ensemble, etc. Alors, sur les profils de justiciables, je dirais que c'est en fonction des politiques ouais. pénales qui sont données, parce que effectivement, on va dire celui qui est mis en cause pour un trafic de stupéfiants sera forcément pas le même que celui qui sera mis en cause pour des violences conjugales. On voit effectivement. Voilà des types de justiciables qui reviennent assez régulièrement ouais. mais et puis c'est souvent d'ailleurs le cas par exemple sur la question des trafics de stupéfiants, c'est qu'en fait on voit souvent les mêmes personnes qui reviennent, qui recommettent d'ailleurs ces ouais, infractions, c'est souvent donc il y a un vrai, enfin sur ça il y a un vrai une vraie question sur la récidive et sur les moyens qu'on met en fait pour ouais. Pour empêcher cette récidive. Et je pense aussi qu'il se pose la question de qu'est-ce qu'on attend de la politique pénale ? Qu'est-ce oui. qu'on attend du droit pénal ? Est-ce qu'on mm-hmm. attend que ce soit dans les tribunaux qu'on règle tous nos problèmes sociétaux ? Mm-hmm. Non. Non, c'est non, pas possible. C'est de toute façon, le pénal vient en réaction. Oui. Et enfin voilà, s'il y a des personnes qui parfois font des choses ignobles ou autres, est-ce que vous pensez sincèrement qu'avant de le faire, ils se disent « Ah, mais selon tel article du code pénal, je sais que j'encours ça, non. donc je vais peut-être pas le faire oui. !» Non, voilà, si on a des personnes qui sont en difficulté sociale, psychologique, problème d'alcoolisme ou autre, mm-hmm. ils se posent pas cette question. Ouais. Alors oui, il y aura une punition, oui, c'est très bien, mais est-ce que c'est la politique pénale qui va tout régler ? Oui. Et surtout, quelle image on en donne ? Je veux pas aller trop loin, mais quand... on a des représentants politiques qui ne cessent de répéter que la justice est laxiste, que la justice ne oui. fait rien. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure sur les condamnations qui ont plus que doublé. Oui. On n'a jamais autant condamné, on n'a jamais eu des prisons aussi remplies. Mais, mais qu'est-ce qu'on dit aux gens ? Dans le débat politique, on dit que la justice est laxiste, ou alors qu'elle va plutôt être très dure à l'égard de certains politiciens et laxiste à l'égard, par exemple, de trafiquants. Pourquoi on dit ça aujourd'hui ? Après, dans les médias. C'est la question du populisme pénal. Oui, c'est-à-dire ça. Que c'est ce qui. C'est, on aime parler de ça. C'est, on va dire c'est la parole un peu facile, quoi, de dire. Oui, mais vous, en tant que pratiquant du droit pénal, ça doit vous révolter un peu oui, tout oui, ça. Ne serait-ce que oui, moi, avec ma petite connaissance, déjà, ça me révolte. Comment faire pour casser un peu ces clichés que. Bah, je pense que... Que déjà, la justice attaque qui elle veut et qu'après, elle n'est pas assez répressive. Je pense qu'il y a une vraie problématique d'éducation, en fait, au droit, à la justice. Mm-hmm. En fait, on demande à n'importe qui dans la rue, il ne sait pas vraiment comment fonctionne la justice de son pays, hein, alors oui. Il peut le lendemain passer devant un tribunal. Oui. Donc ça déjà, je pense que c'est une vraie problématique. Moi, du haut de mes 28 ans, j'ai jamais eu de cours de droit, par exemple, au lycée. Au lycée. J'en ai eu. Oui, oui. Avant d'être avocat. J'ose espérer. Mais non, au lycée, au collège, on n'a pas. Enfin, moi, j'ai pas. Ou alors, c'est du droit commercial, mais. Ouais, on n'a pas été éduqué à cette question-là, et pour autant. Il y a beaucoup de gens qui vont au cours de leur vie être confrontés à la justice et puis même au droit pénal, malheureusement, soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime, soit en tant que témoin, soit en tant que proche de victime ou d'auteur. Donc je pense qu'il y a une vraie problématique à ce niveau-là, c'est la question de l'éducation. Et après, encore une fois, il faut cette éducation, elle doit permettre aussi de restaurer cette confiance en la justice, en la décision de justice qui accorde telle ou telle peine. Pourquoi ? Voilà. Après, souvent, en tout cas, comment dire, de mes souvenirs à l'époque de la faculté, on disait souvent que donc la peine est rendue au nom du peuple français et que elle doit un peu servir de leçon pour les personnes, pour la société, pour dire si jamais vous commettez telle infraction, vous risquez de subir telle peine ou telle peine. Mais est-ce que c'est vraiment effectif, ça ? Est-ce que le rendu de décision pénale, ça sert de leçon pour les personnes, ou pas ? Si on écoute le discours de Robert Badinter à l'Assemblée nationale, où il parle effectivement de la question de la peine de mort... on sait en fait très bien que finalement la peine elle est censée avoir un côté dissuasif. Effectivement, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, la personne qui va commettre une infraction va pas se dire avant hier j'ai vu une décision, oulala, il a été condamné à 20 ans. Attends, non. Donc c'est pas assez. Et le problème, c'est que derrière. Je me mouille, je suis mes propos qui ne représentent que moi, mais on a des représentants politiques qui désinguent le travail de magistrats. Et la confiance en la justice aussi. Et donc la confiance des citoyens envers la justice. Mais par contre, quand ça les touche, attention, c'est un grand scandale, ils sont corrompus et autres. En fait, c'est ça le problème, c'est que... Ça décrédibilise complètement la justice, alors que ils représentent... Enfin, certains représentent la justice. Et puis, les magistrats, ce sont des gens quand même qui ont un certain dévouement, qui travaillent dans des conditions... depuis ma première année de faculté, on doit changer le tribunal judiciaire de Nancy qui tombe en ruine, qui est sur des marécages, où on a des trous au plafond. Voilà. C'est des gens qui travaillent tous les jours là-dedans, qui, par exemple, les comparutions immédiates, des fois, terminent leurs audiences à 23h minuit. Voilà, c'est des gens qui travaillent dans des conditions. Voilà. Et il y a quelqu'un en haut qui va venir tweeter. Oui. Du travail de ces magistrats alors qu'ils n'ont jamais ils ont prêté serment, ils sont tenus par le... Et qu'il ne doit pas y avoir d'ingérence la séparation des pouvoirs. Voilà. Et en plus, ils n'ont pas lu le dossier. Ils ne le savent surtout pas. Ça. Ils ne savent pas. Et dans l'affaire Sarkozy, il y en a beaucoup qui ont accusé la présidente du tribunal correctionnel d'être contre les opinions politiques de M. Sarkozy et donc de manquer à son devoir d'impartialité. Mais en fait, déjà, ils étaient plusieurs magistrats. Voilà. Et ensuite, donc elle n'était pas toute seule à statuer. Et ensuite, elle ne va pas aller condamner M. Sarkozy sans éléments objectifs et encore moins sans l'avis de des autres magistrats. Et surtout, elle a prêté serment, elle s'est engagée à être impartiale et objective. Donc, si elle l'a condamnée, c'est qu'il y avait suffisamment d'éléments pour caractériser l'infraction. Et objectivement, tu m'arrêtes si je me trompe, Madeleine. Et elle a le droit d'avoir ses jugement... opinions politiques à côté. Absolument. Mais le jugement de Nicolas Sarkozy, je crois que c'est à peu près 400 pages. Oui, c'est ça. Donc il faut le lire. C'est pas une condamnation, on doit mouiller en fait. Voilà. Et généralement, c'est des condamnations en plus, des jugements qui sont rendus publics. Voilà. Et puis, encore une fois, en tant qu'avocat, de la partie accusée, ils auraient pu demander la récusation de ce magistrat. Tout à fait. Ils l'ont pas fait. Oui. Pourquoi ? Peut-être à des fins politiques, finalement. Et puis, ils savaient très bien, et puis il fallait le faire avant l'audience. Voilà. Donc voilà, alors je voulais quand même axer quand même une partie de cette discussion sur la réparation. Donc, ou la réinsertion, plutôt. Pardon. Donc, parce que c'est vrai que c'est un élément qu'on met beaucoup de côté. Et alors, j'ai une sœur qui a été CPIP. CPIP, enfin, non, donc conseillère d'insertion et de probation. Alors, elle a, sur le papier, ça lui donnait beaucoup d'envie hein, d'exercer ce métier, mais elle s'est rendue compte qu'en effet, déjà, elle n'avait pas forcément le temps et les moyens pour mettre en œuvre tout ce qui était mis à sa disposition sur le papier, et notamment la réinsertion professionnelle, par exemple. Elle disait, on n'a pas suffisamment d'outils pour permettre à telle personne qui, demain, sort de prison et souhaite, par exemple, se réinsérer professionnellement. Ça peut être un outil, par exemple, pour éviter la récidive. Elle disait, moi, j'aimerais participer à cela, mais en fait, on ne me laisse pas le temps. Donc, comment faire pour favoriser la réinsertion, quel outil mettre en place Parce que sur le papier, il y a ça, mais c'est vrai que si elle-même, en tant que CPIP, elle ne peut pas accompagner ces personnes-là dans leur démarche, parce qu'elle n'a pas le temps, apparemment, c'est l'affaire d'autres, d'associations, etc. Sauf que la personne ne va pas forcément aller vers les associations ou tout ça. Donc, comment faire pour... Si on prend la circulaire là, de 2025, je crois qu'il n'y a pas une seule phrase en fait, sur l'approbation, sur la réinsertion. Moi, je trouve que ça, c'est un peu problématique parce qu'on l'a rappelé en début d'émission, mais la politique pénale, elle est là pour punir, elle est là pour dissuader, c'est très bien, mais elle est aussi là pour réinsérer. Sinon, je veux dire, ça ne sert à rien. Oui. Concrètement, il faut se dire les choses. Sinon, on met les gens en prison et puis ils sortent, puis ils recommettent des infractions. Puis en fait, c'est concrètement ce qui se passe d'ailleurs. Donc c'est certain qu'il faut axer sur l'approbation. Le problème, c'est que pour ça, il faut des moyens. Et que, alors certes, on a un ministre de la Justice avant Monsieur Darmanin qui a mis les moyens, enfin en tout cas qui a augmenté le budget de la justice, et c'était pas arrivé depuis un certain nombre d'années. Malheureusement, dans ce budget de la justice, il y a le budget de l'administration pénitentiaire, donc des prisons. Et il y a une grosse partie de ce budget qui part là-dedans. Donc, il part pas du tout dans la réinsertion, qui part dans la construction de prisons. Et donc, on entame, parce qu'il y a un problème effectivement de surpopulation carcérale. Donc, effectivement, il faut des moyens financiers, mais en fait, il faut aussi des. Enfin, bon, ça nécessite des moyens financiers, mais il faut des moyens humains. Je discutais avec un surveillant de l'administration pénitentiaire du centre de détention d'Écrouves, donc pas très loin de Nancy. Et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ont je ne sais combien de détenus. Je veux dire, concrètement, c'est pas possible dans une semaine en fait de voir les gens régulièrement, parce que ces gens-là, ils ont besoin d'accompagnement. C'est des gens d'un qui sont psychologiques pour les inciter à, parce qu'il y en a ma sœur m'expliquait que des fois ils étaient mal vus, le fait d'être attachés au ministère de la Justice. Ils étaient vus un peu comme le juge ou comme un peu en opposition à eux. Alors qu'ils sont là pour les aider. Pour les accompagner, Les accompagner. Et non, mais c'est objectivement, je trouve que c'est vraiment. C'est un vrai sujet, cette question de l'approbation. Et je crois sincèrement que c'est vraiment le seul moyen par lequel on peut. Limiter la récidive, et puis là où il y aura eu probablement un manque d'éducation, il faut que l'approbation elle prenne les rênes de tout ça et qu'elle soit là pour accompagner et pour aider. Oui, il me semble avoir lu les chiffres, je peux pas citer la source, mais je crois qu'en France on est à un conseiller pénitentiaire d'insertion de probation, un CPI, pour 100 personnes détenues. 1%. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas tout faire. Humainement. Oui, et puis ils n'ont pas forcément les moyens. C'est pas possible. Il faudrait des psychologues aussi pour assurer le suivi. Enfin, il y en a. L'accès aux soins est un gros problème. Encore une fois, on se fait moultement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme on est dans le top 2 ou 3, d'ailleurs la Turquie et la Russie, sur les condamnations de la CEDH et notamment sur les conditions inhumaines et dégradantes de nos établissements pénitentiaires. Oui. Donc ça, c'est un réel problème. Et encore une fois, là où nous, auxiliaires de justice, auxiliaires de justice, donc, qui d'ailleurs sont tous les acteurs au bon fonctionnement de la justice, qu'ils soient magistrats, qu'ils soient greffiers, parquetiers et avocats, nous aussi, ce qu'on dénonce, c'est le fait que c'est pas en créant des places qu'on va régler le problème de la récidive. Parce qu'en fait, c'est Beccaria justement, qui disait ça aussi. C'est, mais c'est la grande question en fait, de la politique pénale. Pourquoi le pénal ? Le pénal, c'est pour améliorer une société. Oui. Si on punit quelqu'un, c'est pour qu'il ressorte en ayant appris quelque chose, pour pas qu'il recommence. Oui. Mais dans ce cas, il faut donner les moyens. Parce que juste envoyer des gens bloqués dans 9 mètres carrés 23 heures sur 24, sans activité aux soins, sans perspective de travail, de sortie, à leur sortie, c'est pas comme ça en fait qu'on va régler les problèmes sociétaux, c'est pas comme ça qu'on va protéger nos citoyens, c'est pas comme ça qu'on va régler le problème de la délinquance en fait. Oui, ça passe forcément par la réinsertion. Et donc ça c'est un problème d'ordre, pas que, mais ça, c'est un problème d'ordre de peut-être politique et budgétaire. Oui, d'ordre politique très clairement, parce que en fait c'est une question de priorité. Oui, voilà. Mais c'est pas très sensationnel, en fait, de parler de probation, de réinsertion. Ah bon ? Et ça pourrait être mal vu aussi par la population. Je veux dire, la population... Moi, je trouve ça légitime, en fait. Enfin, le but, c'est de réinsérer. Oui, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais, je veux dire, les derniers sondages sur la question de la peine de mort en France... Ah oui, ça fait peur, ça. Bah oui, mais ces gens-là, ils vont pas être pour la réinsertion, puisqu'ils sont... Oui. pour l'élimination totale. Pour l'élimination totale. Donc, en fait... c'est pas sensationnel dans les médias, ça fait pas sensation quoi de parler de réinsertion. Comment, selon vous, à votre échelle, vous pourriez justement participer à ça ou proposer des solutions pour favoriser donc la réinsertion ou éviter la commission d'infraction? Bon, l'éducation, donner plus l'accès aux droits et l'importance. Nous de notre côté, c'est pas notre rôle en fait, parce que nous, on dépend pas des pouvoirs publics. Oui. Nous, on est privés, on est là pour défendre les gens, qu'ils soient auteurs comme victimes. Et après, justement, derrière, réponse à l'une de votre première question, justement, c'est en faisant notre métier. Ouais. C'est en allant de l'autre côté dire, non mais attendez, calmez-vous, là, vous demandez la détention, ça ne servira à rien. Ouais. Le monsieur, il est SDF, quand il va ressortir, il va répéter des vides pour prendre dedans. Lui, ce qu'il lui faut, c'est une réponse sociale, voilà. C'est en faisant ce travail-là, c'est en plaidant, c'est en faisant notre boulot d'avocat, moi je trouve, et c'est pour ça aussi que j'adore mon métier, que on peut aider par rapport à ça. Et tu veux dire quelque chose ? Non, mais je souscris totalement à ce qu'il y a. Est-ce que vous avez des discussions après avec les auteurs d'infractions qui sont punis ? Est-ce que en tant qu'avocat, vous avez un petit rôle un peu d'accompagnateur quand même ? Dans la sortie de prison, dans la réinsertion, tout ça. Est-ce que vous prenez le temps ou non, votre rôle s'arrête au procès ? Après, ça dépend de chacun, ça, je pense. On intervient... en fait, quand ils sont condamnés, effectivement, il va falloir qu'ils exécutent leur peine. Ouais. Mais il y a aussi la préparation à la sortie. Parfois, ils sont... et c'est un peu malheureux, mais parfois, ils sont condamnés à des peines qui sont courtes. Et donc, ils rentrent en prison... Et ils ont finalement assez peu de temps pour préparer leur sortie. Je pense qu'on intervient aussi, on peut intervenir au stade justement où ils font cette demande d'aménagement de peine. Oui. Et là, on peut avoir effectivement un rôle de conseil, mais aussi d'être en lien avec les autres acteurs dans cette demande d'aménagement de peine. Pour plaider au mieux cette demande d'aménagement de peine, qu'elle soit la plus adaptée possible, et pour ensuite préparer effectivement leur sortie. Ouais. Et la dernière intervention aussi en détention, c'est quand ils font des bêtises, c'est les commissions de discipline. Oui, c'est vrai. Ça, oui, on intervient aussi en commission de discipline pour assurer leur en détention. Ouais. Et donc, pour finir, pour vous... c'est quoi la meilleure politique pénale mise en place ? Laquelle qui vous parle le plus ? Je ne sais pas si elle a été mise en place parce que... Ou alors celle que vous voudriez voir ? Je vais redire ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on mise tout sur la réinsertion. surtout la réinsertion, donc former des gens qui ensuite accompagnent vraiment les gens à la sortie de prison, voilà, qui assurent leur accompagnement social, professionnel. Et donner les moyens. Un accès, oui. Forcément, ça passera par donner les moyens. Et puis donner un accès aux soins, que la détention en fait, soit adaptée et permette à l'issue quelque chose de positif, parce que sinon, personne ne récidivera. Et puis, oui. Moi, je dirais ça. Et toi, Mathéo ? Je souscris totalement. C'est revoir en fait l'exécution de la peine, ne pas juste laisser les gens dans leur cellule à ne rien faire et à ne rien apprendre en détention. Alors, certains diront, dans ce cas, c'est le Club Med, ceux qui sont en détention sont mieux que ceux qui sont dehors. Oui. Mais le but, voilà, c'est si on veut pas qu'ils recommencent, c'est assurer leur... Les études criminologiques prouvent que les facteurs de désistance, c'est une insertion sociale, c'est un boulot, c'est tout ça. Voilà, c'est vraiment essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre société, plutôt de qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des chiffres, pour qu'on dise qu'on a été dur en justice, pour faire plaisir au populisme pénal qui est avec ses torches brûlées sur la place publique à demander à feu et à sang bon temps. Est-ce que vous pensez qu'on est loin de tout ça aujourd'hui dans notre société ? Est-ce qu'on est encore dans ce populisme pénal ou alors c'est juste les médias qui mettent en avant cela ? Est-ce que vous pensez que la majorité de la population française est de ce bord ? Je ne sais pas si c'est la majorité de la population française, mais bon, c'est vrai que quand on... Enfin, là, sur cette année qui s'est écoulée, sur... là, quand on relit, en fait... Enfin, on relit. Moi, je découvrais la circulaire de politique pénale générale. Quand on lit cette circulaire, on voit un peu... On regarde l'actualité, notamment ce qui s'est passé au niveau politique, mais je veux dire, la décision Sarkozy, la décision Marine Le Pen... Oui. Quand on écoute un peu ce qui se passe dans les médias, j'ai le sentiment qu'on est quand même un peu loin de tout ça. On est aux antipodes. Ouais. On a rétrogradé on est aux antipodes. Ah je suis désolé, mais en plus, voilà, ça va être des débats politiques, mais en nommant un ancien ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, avec les tweets qu'il continue à publier en tant que ministre de la Justice, c'est tout bonnement scandaleux. Ouais. Et l'une de ces images, d'ailleurs, c'est quand même, sur le contrôle judiciaire de l'ancien président de la République, c'est quand même une interdiction de contact avec notre ministre de la Justice. C'est pour dire à quel point il y a une partialité, une prise de position qui est inacceptable. Qui est inacceptable et contradictoire quand, par contre, on parle à des petites racailles où là, on demande une fermeté exceptionnelle. Ouais. Et en faisant ça, on ne fait que qu'alimenter ce gouffre qu'il y a entre la population et la justice, entre la population et la politique, et sur l'incompréhension globale de notre système de justice. Oui, ça c'est vrai. Et sur sa décrédibilisation, qui, quand on est acteur de la justice, est insupportable. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour finir ? Merci de nous avoir invités. Ouais. Merci à vous. C'était sympathique, c'était une première, c'était rigolo. Et j'espère que ça va permettre aux auditeurs d'être éclairés au sujet des politiques pénales, de leur rendre un peu plus... de rendre plus concret le fonctionnement et de ne pas se laisser avoir par... ce que peuvent dire les médias de façon très substantielle et superficielle. Et pour cela, comparution immédiate, tribunal judiciaire de Nancy, lundi, mercredi, vendredi, à partir de 14h, toutes les semaines, tout le temps. Et aussi... C'est public. Même pendant les vacances. Ah oui. C'est public et gratuit. C'est ça. Exactement. Voilà. Et si vous voulez lire un ouvrage là-dessus, moi je recommande Des liens et des peines de Beccaria, même si c'est un vieux livre. Moi, ça m'a permis de comprendre un peu plus le fonctionnement, théorique du moins.